salut, c'est Oji qui vous parle et tous les matins, je écoute Fun Radio, sauf quand Mickaël parle à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Et nous avons Barbara avec nous maintenant. Bonjour Barbara. Bonjour. Comment ça va Barbara? Bonjour. Ça va malgré le temps, ça va. Bah oui, mais ça va mieux normalement aujourd'hui. Ma bonne dame. Ça devrait aller mieux, enfin, en tout cas on l'espère. Bon Barbara, t'appelles de Liège et on va jouer au... The Frit Code Game. Le Frit Code Game, effectivement, comme chaque matin sur Fun Radio, Barbara. Attention, il y a 4 séries de questions, de la plus facile, qui est le petit paquet, à la plus compliquée, qui est la mitraillette. Et ça va évidemment aussi des cadeaux les plus faciles, des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées. Barbara, que choisis-tu? On va essayer le petit paquet. Petit. Alors ah petit oui. paquet, c'est pour oui. gagner une compile, hein. Ah d'accord. Et le suivant c'est... Ah oui. Alors oui. Pardon. C'est vrai que j'avais oublié de préciser. Petit paquet, c'est pour gagner une compile. Grand paquet, c'est pour gagner des places de ciné. Doroom, c'est pour gagner un iPod ou alors mitraillette, c'est pour gagner style écran plat, tablette ou smartphone. On va essayer la mitraillette alors. Ah, d'un extrême à l'autre. Ah ouais, d'un extrême à l'autre. Bon, alors on y va, Barbara. Tu as choisi la mitraillette. C'est pour gagner un écran plat, une tablette ou un smartphone. Pour ça, je vais te poser 5 questions. Tu dois répondre correctement à au moins 3 sur 5. D'accord ? D'accord. Allez, c'est parti. On y va. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire ? 12. 10 ? Non, bah non, 8. Oh, encore, t'aurais répondu 9, loin. Pourquoi pas? Mais parce qu'on en a enlevé il n'y a pas longtemps. Mais bon, là, 8, malheureusement, c'est pas bon. Allez, question suivante. Comment s'appelle le héros créé par J.K. Rowling? Oula. Quand même. Un héros bien connu? Oui. Très connu. Trop connu? Je ne sais pas. Harry Potter. Harry Potter. Bon, c'est quel pas accent grave. Impressionnant. Hey, t'as vu un peu? On dirait un anglais. Exactement. Selon Silvio Berlusconi, qu'est-ce que le Bunga Bunga? Le Bunga Bunga? Oui, selon Silvio Berlusconi. Hein. Je suis sûr que c'est Toff qui a écrit cette question. Bah oui. Pas du tout, c'est Silvio lui-même. Il m'a appelé, il m'a dit mais là. Bon, Barbara, tu vois pas? Non. Un prélude au sexe anal. Eh oui. Ah, d'accord. Question okay. suivante. À quelle émission de télé-réalité Moundir a-t-il participé 2 fois? Moundir. Story, presque, Koh-Lanta. Ouais, c'est pas loin. Hein. Ouais, je sais. Bon, ce n'est pas ça. Et enfin, à 1000 ans près, à quand remonte la première bière? Pas mal cette question. La première bière en 1600? Ah non, en 6000 avant Jésus-Christ. Ah, oh là, ah ouais, là, non, là, mais là, avant là. D'en voter quoi que ce soit d'autre, ils ont voté d'abord la bière. Ah ouais, bien et sûr. Et après, ils sont mis au travail pour le reste. Barbara? Oui. Bravo! Ça nous fait un beau 0 sur 5, ça. Oh là là là là là là. Ah ouais, 0 sur 5, c'est pas mal. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et nous avons Justine avec nous maintenant, 25 ans de Liège. Salut Justine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bon, bah très bien. Oui Justine, tranquille, tranquille. Justine, pourquoi tu veux pas donner ton travail là? Parce que je vois dans le sonore, ne veut pas donner sa profession. J'attends les résultats. Les résultats de quoi? De l'euro? Bah non, de l'époque, tu me satisfais. Ah, mais moi je les connais, tu vas perdre. Je suis la copine de Cristiano Ronaldo. Non, mais allez, dans. Non, mais quoi, tu travailles dans la police? T'es quoi? T'es prof? Peut-être qu'elle travaille pour le gouvernement. Ok, elle est dans les services secrets. Services secrets? Voilà, t'as tout compris. Ouais, c'est Justine Bond. Exactement, ouais, exactement. Bon, allez, Justine, on va jouer maintenant. Serez-vous plus intelligent qu'une Miss? Je l'espère pour toi. J'espère aussi. Bah oui. On va voir. Justine, attention, première question, c'est parti. En plus, t'appelles de Liège, ça tombe bien, t'as de la chance. Ouh là, coupe ta radio, Justine. Hein. Voilà. Oui, ouais. Alors, Liège est candidate à l'organisation de quelle manifestation culturelle? Attendez, il est écrit partout en plus. Ah oui, il est écrit partout, ouais. Exposition internationale. Exact. 2018. Oui. Et oui, 17, allez, mais c'est pas grave, je valide ouais. quand même, on n'est pas un an près. Tu es trop généreux. Mais oui. Hier, certaines rues de Bruxelles ont été fermées, mais pourquoi? Alors, hier, il y a les tunnels, mais je crois pas que ça a à voir avec ça, ça n'a rien à voir, non? Non, c'est les rues qui ont été fermées. Le tunnel, on sait, mais c'est les rues là. Pourquoi elles ont été fermées, les rues? Ah, il y a eu des inondations. Exactement, oui. Bonne réponse. À Bruxelles, on consomme, plus d'héroïne ou d'extasie? Oh, je dirais d'extasie, j'espère. Eh oui, 5 fois plus d'extasie, bonne réponse. Oh, horrible. Vrai ou faux, la Belgique est le royaume le plus à l'ouest de l'Europe? Non, il y a l'Espagne. Exactement. Wow. Et enfin, si Adolf Sax a inventé le saxophone, qu'a inventé le Belge Étienne Lenoir? Étienne Lenoir? Oui. Je sais pas. Eh ben voilà, tu vois, c'est dommage. Hein. Oh. C'est dommage de perdre là. Quand ah même. Oui, c'est dommage de s'arrêter sur la dernière réponse, c'est dommage. Bon, ben c'était le moteur. Oh, ah bah voilà. Eh ouais. Bon, ben 4 sur 5, ça te fait des places de ciné, c'est pas mal déjà. Ah oui, super. Bah, okay, bah voilà. Bon, okay. Alors ton métier maintenant. Bon, maintenant on peut savoir ce que tu fais. Ouais, parce que t'as gagné des places de ciné, ouais. Donc on peut savoir ce que tu fais. Bon, je suis prof. Ah, tu vois, je t'avais dit dès le début, je savais que c'était prof. Bah, je le attends, savais. Ça va, 4 sur 5, ça va. Je le savais. Bon, ben Justine, bravo à toi, place de ciné, tu vas aller avec qui du coup? Oh, avec mon homme, à mon avis. D'accord, très oh, bien. Oh, c'est mignon. Eh ben Justine, je te fais des gros bisous. Oui, merci beaucoup, à vous aussi. À bientôt. Oh. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Tout va bien dans la maison à Hawaï. Quoi, tu dors avec Julien, je peux savoir? Il a touché quelqu'un? Il a p*** avec quelqu'un ici? Non. Eh ben alors, là, ça manque de respect. Si il aurait fait ça, là, il a rien fait du tout. C'est pas bien ce que tu fais, là, par contre. Arrête de le faire passer pour un p***. Je le fais pas passer pour un p***. Je dis ce que je pense. Voilà, et comme vous pouvez le remarquer, Amélie parle toujours aussi bien le français, hein, ah oui, si oui, il aurait. Elle nous représente bien en français. Ah oui, toujours, merci toujours, elle. Toujours. Elle représente bien la langue française. Elle a une ribérite. Eh oui, elle a une ribérite, oui. Mais surtout, Marie a enfin un éclair de lucidité. Les gens n'ont pas envie que je sois là et qu'ils n'ont pas envie non plus de me faire une place. Eh oui, et quoi, évidemment, je comprends pourquoi elle dit ça, cela dit Marie. Hein. Tout bah le monde oui, l'aime. Tout mais le monde... évidemment. Mais bien sûr, la preuve. Ah, Geoffrey! T'es tout seul, j'espère. Oh, mais quelle conne. Alors, j'ai entendu. Non, Julien, c'est toi, ça va. Toi, tu peux venir. Marie est arrivée, elle a essayé de me dire bonjour et j'avais déjà la chair de poule rien qu'en me disant oh non, j'espère qu'elle va pas me donner un bisou. Parce que déjà, quand elle donne un bisou, c'est tout bavant, tout gluant, ça me dégoûte. Ouais, enfin tout le monde aime bien, enfin presque tout le monde évidemment. Hein. Et avec tout ça, on a presque oublié aussi d'ailleurs qu'ils sont partis là-bas pour chercher du travail. Eh ben oui, Soufiane par exemple, il essaye de devenir chanteur. Alors j'ai bien précisé évidemment qu'il essayait de devenir chanteur. Hein. Mm-hmm. Eh oui, ça sent la fin de carrière tout ça. Hein. Ah là là là là là. Bon, heureusement que ses amis sont là pour le soutenir, hein, c'est ça qui est beau. Kiffage. Mais oui, kiffage. Mais oui, il est en kiffage qui en anglais, donc on peut probablement dire que c'est de la merde. Non. Il était en merde, non, c'est pas ça, non non, je sais, il y a un kiffage. I'm kiffage. Je sais pas, faudrait aller demander là-bas. C'est... Oui. Ça devrait être une expression du coin. Oui, peut-être que c'est une expression hawaïenne, va savoir. Bon, allez, donc vous avez pu le remarquer, tout va bien dans les anges de la télé-réalité. 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Tous les matins, la journée internationale de Pierre et aujourd'hui, journée internationale des assurances. Mais vous allez dire, c'est quoi ce bordel? Oui, mais en fait, c'est parce que, bon, vous le savez, il y a tous les jours des journées internationales officielles de tout et n'importe quoi. Et nous, on vise surtout le n'importe quoi et le grand n'importe quoi même. Et aujourd'hui, donc, c'est la journée internationale des assurances et c'est avec Pierre sur Fun Radio. Cabinet Corsuet, le dit bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour assurer. Est-ce que vous assurez les parties de corps? Les, pardon? Les parties de corps. Les parties de corps? Ouais, parce que en fait, moi, mon je fais du sexe, en fait. Pardon? Je fais du sexe. Ah, non. Donc c'est pour ça que j'assure. On m'a dit sur un tournage, un jour ça va péter, assure-toi vraiment, parce que là, ça va être... Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous... Parce que 10 à 15 prises par jour, comprenez, hein. Oui, je comprends très bien. Voilà, donc il m'a dit, perds pas de temps, appelle. Mais moi, je connais pas d'agent qui pratique ce genre de choses concernant l'assurance de son sexe. D'accord, et le pire, c'est que, en fait, comme je me suis dit que c'était comme c'est comme un véhicule, en fait, en gros. Je ne sais pas. Parce que vous assurez les véhicules, on est d'accord. Moi, je ne pourrais pas vous aider. Vous pouvez essayer de les appeler, tout simplement. D'accord, mais juste dernier renseignement, vous assurez bien les voitures? Oui. Voilà, et donc moi, quand je détruis des pare-chocs, c'est pareil. Je vais devoir vous laisser. Non, mais voyez, est-ce que vous comprenez la logique? Non, pas vraiment. Bah si, quand je fais des refus de priorité dans un film de cul, c'est pareil. Hein. Je vais raccrocher, monsieur, c'est plus possible, je peux pas vous aider plus que ça. Non, mais j'ai quand même fait un film, Les Roupettes en folie. D'accord, c'est très bien. Passez une bonne journée. Oh, t'as vu, tu veux te faire assurer, c'est pas possible, voilà, c'est quand même dingue. Quel dommage. Oh, les assureurs, je vous jure, aujourd'hui. Oui. Oh là là. Bon, ah bah, ils prennent plus de risques. Mais non, c'est fini. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Let's go.